إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد On continue inshallah ta'ala l'explication du livre Min Kunuz Al-Qur'an Al-Karim du Cheikh Al-Allama Abdel Mohsin Al-Abbad Hafidhahullah ta'ala wa ra'a. Aujourd'hui on va commencer un verset choisi de Surat Al-Hijr et qui est le verset numéro 9. Yaqul al-Cheikh Qawluhu ta'ala Inna nahnu nazzalna dhikr وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر. Donc ici, le verbe نَزَّلْنَا, nous avons fait descendre. الذِّكْر. Ici, bien sûr, الذِّكْر, qu'on peut traduire de façon générale par le rappel, et bien sûr, le Coran, c'est un rappel pour tous les mondes, c'est bien sûr le Coran. Al-Dhikr, ici c'est le Coran. Wa inna lahu lahafidhun. Et nous sommes, et nous en sommes les gardiens. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il en est les gardiens. On va voir en fait l'explication de cela. Yaqul al-Sheikh, akhbar Allah fi hadhi al-ayati an tanzilihi kitabahu al-Karim. Wa hifdhahu iyyahu min az-ziyadati wa nuqsan wa at-taghyir wa at-tabdil. فلا يتطرق إليه شيء من ذلك. الله عز وجل il a fait descendre son livre. إنا نحن نزلنا. Et ensuite, après avoir fait descendre son livre, bien sûr par l'intermédiaire de Jibril, sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a protégé. حافظه. Il l'a protégé. Il a protégé son livre. Il l'a protégé de quoi? من الزيادة. C'est-à-dire Ziyada qui est l'augmentation, c'est-à-dire augmenter des lettres, augmenter des phrases qui ne seraient pas à l'origine dans le Coran. Donc personne n'a pu annexer des paroles à l'intérieur du Coran. Ou un nuqsan qui est bien sûr la diminution, c'est-à-dire personne n'a pu effacer, enlever des versets du Coran, ce fut une seule lettre du Coran. Ou at-taghyir. Tarrière qui est bien sûr la déformation, c'est-à-dire déformer des termes, déformer des mots. Personne n'a pu également. Wa tabdil, c'est-à-dire échanger des phrases par d'autres phrases. Allah Azza wa Jal, et ça, le Coran en lui-même, c'est un miracle. Quel livre sur la terre, depuis 14 siècles, un livre depuis 14 siècles, qui est répandu dans le monde entier, n'a pas subi ce qui a été cité? Al-Ziyada, al-Nuqsan, al-Taghyir, al-Tabdil. Contrairement bien sûr aux livres précédents, comme cela est arrivé avec les Juifs et la Torah. Et comme cela est arrivé également avec la Bible, c'est-à-dire le Nouveau Testament avec les chrétiens et l'Évangile bien sûr. Et on sait par des centaines de preuves, je dis bien par des centaines de preuves, ce n'est pas des milliers de preuves, que la Bible a été falsifiée. Et qu'il y a eu en fait des paroles rapportées, des paroles effacées, qu'il y a eu en fait Ziyada, qu'il y a eu du An-Nuqsan, qu'il y a eu At-Tahrir, At-Tabdil. Tout cela est advenu dans le livre des chrétiens et des juifs. Allah al-Musta'an. Ce Coran, ce livre-là, depuis 14 siècles, avec tout ce qui est advenu à la communauté musulmane de guerre, etc., il n'y a pas une seule lettre, pas un seul mot qui a été changé. Et ça en lui-même, c'est un miracle. En lui-même, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que celui, celui en fait qui s'est porté garant de le protéger, c'est Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, c'est le Seigneur des mondes. Subhanahu wa ta'ala. Fuma yaqul al-Sheikh, wa qad tahaqqaqa hadha al-hifz min wujuh. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a protégé ce livre. Mais bien sûr, unak asbab, c'est-à-dire qu'il y a des causes. Et comment en fait cette protection s'est concrétisée? Et le Cheikh nous dit de plusieurs façons. Il va en citer quatre, le Cheikh. Il va citer quatre. C'est-à-dire maintenant, si on parle avec science sur la protection, comment le Coran il a été protégé, alors il faut savoir qu'il y a en fait quatre choses qui ont été la cause de la protection de ce Coran. Donc ici c'est cause. Il dit le shi'a al-awwal, hirsu al-rasul, al-rasul al-karim, hirsu al-rasul al-karim sallallahu alayhi wa sallam ala talaqihi min Jibril wa tahriki lisanahu bihi lada ilqahi alayhi li alla yafutahu minhu shay'. وقد نهاه الله عن ذلك ووعده بتمكينه من حفظه. طيب. La première chose, hirsun nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le désir ardent. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoité ardemment de quoi? D'apprendre ce Coran par cœur. Et c'est pour ça que en fait, lorsque Jibril venait pour enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le Coran, qu'est-ce qu'il faisait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il lui enseignait le Coran et il lui récitait le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il articulait sa langue et également ses lèvres, comme cela est venu dans une des versions du hadith qui le concerne, sa langue et ses lèvres, afin qu'il le récite en même temps. Et en fait, il y avait deux causes par rapport à cela. Pourquoi en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il articulait sa langue au moment où Jibril lui enseignait le Coran? Dans un premier temps, de peur qu'il l'oublie, donc il le répétait directement, et également par amour pour ce Coran. C'est-à-dire il aimait tellement ce Coran qu'il s'empressait de le répéter directement. Donc deux choses, comme nous l'a rappelé Ibn Hajar fil Fath. Comme le shir nous le dit ici, Allah yafutahu minhu shay. Et ensuite, donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, et donc ça prouve quoi? Hirs an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire son désir ardent de vouloir apprendre ce Coran et de peur qu'il n'en oublie que ce soit une seule lettre. Et ensuite, bien sûr, il y a l'interdiction. Allah azza wa jalla a fait descendre l'interdiction de cela, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam articule sa langue au moment où Jibril lui enseigne. Et c'est dans le verset suivant. يقول الله عز وجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أن يقضى إليك وحيه. Ça c'est في سورة طه et c'est le verset 114. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن, c'est-à-dire ne t'empresse pas avec le Coran. Ne te hâte pas donc, entre parenthèses, de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Yani qabl min qabli an yuqda ilayka wahyu. Donc ici, naï, wala ta'jal bil Coran. Allah azza wa jal l'a interdit. C'est pour ça que le shir a dit waqad nahahu Allahu an dhalik. Et également dans un autre verset, et qui fait surat Al-Qiyamah, يقول الله عز وجل ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Ça fait surat al-Qiyamah, c'est le verset 16 et 19. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, son rassemblement nous incombe, son rassemblement nous incombe, c'est-à-dire إن علينا جمعه wa Qur'ana, nous incombe ainsi que la façon de le réciter, c'est-à-dire comment tu vas le réciter wa Qur'ana. Et ensuite, quand donc nous le récitons, suis sa récitation. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Et bien sûr ici ad-damir yani fi Qur'ana, ça revient par Jibril. Bien sûr, c'est Jibril qui enseignait, qui récitait le Coran à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici de suivre la lecture de Jibril et de ne pas remuer sa langue en même temps, c'est-à-dire d'attendre qu'il finisse sa lecture et donc ensuite de répéter ce qu'il a dit Jibril. Donc ici wala ta'jal comme fil ayat as-sabiqa wala ta'jal thumma inna alayna bayana, à nous ensuite incombera son explication, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla c'est lui qui va donner l'explication de son livre à travers bien sûr son Coran lui-même, comme on a vu, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, et également par le prophète, par son prophète, sur la langue de son prophète, yani bilisani nabiyyi, ala lisani nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, l'ordre qui est donné au prophète sallam, c'est lorsque la récitation est finie de Jibril, alors qu'à lui, c'est-à-dire au prophète sallam, de lire. Et c'est pour ça qu'il est devenu, il est devenu également un hadith qui nous a rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. وفيه فكان إذا أتاه جبريل أطرقه أطرقه فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. C'est-à-dire lorsque Jibril lui venait, venait au prophète صلى الله عليه وسلم, auprès du prophète. أطرقه. Qu'est-ce que ça veut dire ce verbe أطرقه? C'est-à-dire مال رأسه إلى صدره وسكت فلم يتكلم. C'est-à-dire que il rabaissait un peu sa tête et il se taisait et il ne parlait pas. C'est-à-dire tout simplement il écoutait avec silence ce que, ce que Jibril a enseigné du Coran. فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ. C'est-à-dire lorsqu'il s'en allait ensuite Jibril, alors il le lisait comme, comme Allah Azzawajal lui a promis. C'est-à-dire qu'il lui a promis إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ جَمْعَهُ. C'est-à-dire son rassemblement. Et bien sûr ici son rassemblement d'où? Dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est-à-dire que ce Coran va être fixé dans ton cœur et tu vas le connaître par cœur. Ça c'est une promesse d'Allah Azzawajal. C'est Allah Azzawajal qui a préservé son livre et qui préserve son livre. Donc dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il apprend, il lui apprend le Coran par cœur lorsque Jibril lui vient. Et lorsqu'il finit Jibril, il répète tout ce que le Jibril lui a appris de manière par cœur. Ça c'est wa'd min Allah Azzawajal, sans qu'il il n'oublie une seule lettre. Ça c'est la première chose qui a fait que le Coran, qui était une cause que le Coran était protégé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose. La deuxième chose, il dit le shir, nuzul al-Qur'an munajjaman mufarraqan fi 23 sana. Wa fi dhalika tamkin as-sahaba radiyallahu anhum min talaqqihi 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hifdhihi shay'an fa shay'an. Kama qala Allah 'azza wa jalla wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin. Ça c'est fait surat al-Isra, c'est le verset 106. La deuxième chose, ou la deuxième cause, c'est que le Coran il est descendu partie par partie. Partie par partie. Mufarraqan. Munajjaman mufarraqan. C'est-à-dire qu'il a été descendu chose par chose, c'est-à-dire petit à petit. Le Coran il est descendu durant bien sûr 23 années. Durant 23 années qui sont bien sûr les 23 années de la mission du prophète sur salam, de 40 ans. Jusqu'à 63 ans. Ça, c'était la mission du prophète sallam. Donc, 23 ans et le Coran descend. Et le wahy, c'est-à-dire la révélation, s'est interrompu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et dans cela, yaqul ash-shir, wa fi dhalika tamkin. Tamkinu sahabati, radiallahu anhum, min talaqqiya an rasulillah. C'est-à-dire que cela a permis aux compagnons, durant toute cette période, c'est-à-dire durant 23 ans, ça a permis aux compagnons de pouvoir l'entendre et l'apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça de manière petit à petit, jusqu'à qu'ils soient ancrés dans leur cœur. Jusqu'à qu'ils soient ancrés dans leur cœur. Et c'est pour ça aussi dans un autre verset qu'Allah azza wa jalla yaqul bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladhina utul ilm. Bien au contraire, ce sont des versets clairs qui sont dans les poitrines de ceux à qui on a donné la science. Et dans le verset qui est cité, que le shir il cite, wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu. Donc nous avons fait descendre un Coran, bien sûr, c'est entre parenthèses, un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Litaqrahu ala nas, ala mukfin, taïb lentement, petit à petit. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Wa nazzalnahu tanzila. Ensuite, Ibn Jarir al-Tabari, c'est une information également que nous donne le shir dans son tafsir, avec une chaîne de transmission authentique. C'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, ou un athar, c'est-à-dire une parole d'un compagnon. Et qui est ici, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, annahu qala, kana ar-rajulu minna idha ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa. C'est-à-dire, il nous dit que l'homme d'entre nous, c'est-à-dire parmi les compagnons, les gens parmi les compagnons, kana rajulu minna idha ta'allama 10 ayat, lorsque la personne d'entre nous apprenait 10 versets du Coran, 10 versets du Coran, lam yujawizhunna hatta ya'rifa, c'est-à-dire qu'il ne dépassait pas ces 10 versets, il ne passait pas en fait au 11e verset, il s'arrêtait au 10e verset, hatta ya'rifa ma'aniyahunna, c'est-à-dire jusqu'à qu'il connaisse le sens de ces versets. C'est-à-dire ensuite qu'il travaillait, qu'il accomplissait ce qu'on contenait bien sûr ces versets. Regardez donc comment les compagnons ils ont appris le Coran, c'est-à-dire qu'ils ont appris par cœur, ils ont compris la signification et ensuite ils ont essayé d'appliquer, ils ont appliqué ce que contenait le Coran, et ça diversé par diversé. Alors cela, simplement cette méthode là c'est une preuve que la personne qui va faire cela, diversé par diversé, pas plus, qui va l'apprendre par cœur, qui va réfléchir sur ces versets et connaître bien sûr le sens de ces versets en apprenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite appliquer ce qu'il contient, il va connaître par cœur. C'est-à-dire ça va être un apprentissage, ça va être du par cœur, et ni gravé dans les cœurs. Le Coran gravé dans les cœurs des compagnons. Ensuite il nous dit le shi'a wa qala ibn Sa'd fi at-tabaqat fi kitabi at-tabaqat اخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن سعيد ان ابا عبد الرحمن السلمي قال ان اخذنا هذا القران عن قوم اخبرونا ابو عبد الرحمن السلمي nous dit que nous avons pris le Coran d'un peuple, c'est-à-dire de personnes, de gens. اخبرونا انهم كانوا, c'est-à-dire qu'ils nous ont informés. أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخير حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به. C'est-à-dire ils l'ont appris, bien sûr ici ce sont les compagnons, ils leur ont appris que nous apprenions 10 versets et que nous ne dépassions pas le 10e verset sans que nous l'apprenions et sans que nous travaillions, sans que nous accomplissions ce qu'il se trouvait à l'intérieur, le contenu de ces versets. Il dit fakunna, c'est-à-dire nous, fakunna nata'allamu al-Qur'an wa al-'amala bih. Non seulement on apprenait les versets du Coran et on apprenait également comment appliquer le Coran. Comment on appliquait le Coran, les deux en même temps, al-'ilm wa al-'amal. Wa hadha isnadun hasan, c'est-à-dire que cette parole de Abu Abd al-Rahman al-Sulami, c'est une chaîne de transmission qui est considérée comme bonne. Ça c'est donc la deuxième. Donc regardez un peu comment ici Allah Azzawajal il a protégé son Coran à travers ces gens. Al-Thalith Jam'u Abi Bakr Siddiq Al-Qur'an fi Suhuf ou Thumma Jam'u Uthman Al-Qur'an fi Mushafin. C'est-à-dire également et ça lorsque les compagnons ont vu qu'il y avait beaucoup de Al-Qurra, ce qu'on appelle Al-Qurra, c'est-à-dire le lecteur parmi les compagnons du Coran, qui bien sûr faisaient le djihad, qui combattaient dans le sentier d'Allah, ils ont vu que beaucoup d'entre eux mouraient. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont réfléchi par rapport à cela, ils ont dit on va en fait tout simplement rassembler le Coran. Et donc le premier qui a fait cela, c'est Abu Bakr Siddiq, qui a commencé à rassembler le Coran sur des feuillets, fils suhuf. Et ensuite du temps de Uthman radiallahu ta'ala anhu, du temps de Uthman, lui, il a en fait rassemblé le Coran fil mushaf, c'est-à-dire dans un livre complet, plus sur simplement des feuillets qui vont être en fait séparés, mais carrément un livre, qui est bien sûr le mushaf, comme on l'a entre nos mains aujourd'hui. Ça a également été, on va dire, la troisième étape et la troisième cause de la protection de ce livre, le Coran. Ensuite, Rabi'a, qui est le dernier, Tawfiqullah Azza wa Jal. لألوف من المسلمين في مختلف العصور لحفظه عن ظهر قلب سبحان الله. La quatrième étape et la quatrième cause, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé à des milliers de musulmans dans tous les temps et aussi également dans tous les lieux, لحفظه عن ظهر قلب, c'est-à-dire qu'on trouve à chaque époque et à chaque lieu on trouve des milliers de musulmans qui connaissent le Coran par cœur. Et ça également, C'est-à-dire de nos jours, jusqu'à notre jour, après 14 siècles de la descente du Coran, on trouve des milliers de gens qui apprennent le Coran, qui apprennent bien sûr dans le Coran, dans les établissements qui sont spécialisés dans l'apprentissage du Coran. Et on en trouve chaque année des gens, des milliers qui sortent de toutes les écoles et dans tout le monde, qui sortent en apprenant le Coran par cœur. Ça aussi, ça fait partie des causes. Et cela, bien sûr, ça a été, comme a dit le cheikh, fi mukhtalif al-usur, depuis le temps des sahaba, ensuite des tabi'in, atba'a tabi'in, jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça qu'on appelle, c'est à partir de là qu'on appelle le Coran mutawatir. Ça vient d'ici, cette expression mutawatir. Unak tawatur. C'est-à-dire que le Coran, il nous est venu par le biais de milliers de gens à chaque époque. Walillah alhamd. Donc tout cela a fait que le Coran, et c'est bien sûr grâce à Allah Azzawajal, et c'est lui qui nous a promis cela, subhanahu wa ta'ala, que le Coran, il nous est venu et qu'aujourd'hui on l'ouvre, et qu'il est comme il a été descendu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Walillah alhamd. Et c'est donc ici l'explication du verset. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Surat al-Hijr, qui est le verset 9. Ensuite, le shir, il a pris donc un seul verset de cette surat. Surat al-Hijr. Et ensuite, il va passer à surat al-Nahl. Et il va choisir le verset 36. Le verset 36. Qui est bien sûr surat les abeilles. Yaqul Allah Azza wa Jal. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Pourquoi? Pour leur dire quoi? أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. D'adorer Allah et de s'écarter du الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. Allah en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Allah Azza wa Jalla dans ce verset, qui est un verset qui est très très important. Un verset qui est très très important. Pourquoi? Parce que ce verset-là, il nous indique, dans un premier temps, qu'Allah Azza wa Jalla dans toutes les communautés, il a envoyé un prophète. Bien sûr, jusqu'au dernier des prophètes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après cela il n'y a plus de prophète, comme tout le monde le sait. Taïeb. Et la deuxième chose qui est très importante et qui est fondamentale dans ce verset, c'est que la mission des envoyés, de tous les envoyés, a été de concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal. An ya'budullaha wa ijtanibu at-taghut. Et ça c'est marna la ilaha illallah. Marna la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Subhanallah. Donc ici on voit bien que la religion et la base de la religion c'est le tawhid. C'est le tawhid. Il nous dit le shir wa hadha wa ma'na la ilaha illallah fa innaha mujtamilatun ala nafy 'am. C'est-à-dire ici qu'on a une négation qui est générale. La ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité bien sûr méritant l'adoration. Wa huwa nafyu al-'ibada 'an kulli ma siwa Allah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ici, de par ce terme, il réfute toute adoration qui est méritée, bien entendu, pour un autre qu'Allah, pour un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. L'adoration, elle est présente pour les autres qu'Allah Azza wa Jalla. On peut les voir. Mais est-ce qu'ils méritent l'adoration? La ma'bud bihaqqin illallah. C'est pour ça qu'on dit bihaqq, c'est-à-dire à juste titre, avec droit. Sinon, on fait le waqir, c'est-à-dire dans ce qu'on peut voir tous les jours, ce qui est malheureusement présent dans cette vie d'ici-bas, c'est que les gens adorent autre qu'Allah Azza wa Jalla, Allah Musta'an. Hadha huwa an-nafi al-'am. La ilaha illallah wa hadha ithbatun khass wa huwa ithbatuha lillahi wahda la sharika lah. C'est-à-dire que cette adoration ensuite, Allah Azza wa Jalla, il l'atteste. Et c'est une attestation qui est restreinte. Elle est restreinte à qui? À Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que l'adoration, seul Allah Azza wa Jalla, il la mérite. Donc ce verset, c'est un grand verset du Coran. Il y en a d'autres comme celui-là. Et donc c'est bien une preuve que c'est la mission des prophètes. Et que la première chose que doit commencer, par laquelle doit commencer le savant, par laquelle doit commencer Ad-Da'i, c'est-à-dire le prêcheur, c'est de concrétiser le tawhid d'Allah Azzawajal, l'unicité d'Allah Azzawajal. La première chose, c'est pour ça tout le temps qu'on dit at-tawhid, at-tawhid, at-tawhid, parce que c'est pour cette raison que Allah Azzawajal il a envoyé, c'est pour cette raison fondamentale qu'Allah Azzawajal il a envoyé ses envoyés. Et une parole, subhanallah, qui me vient à l'esprit, une parole, wada ajib. On entend souvent de certaines personnes qui disent, parmi les musulmans malheureusement, des personnes qui, par exemple, qui voyagent en Europe, qui voyagent dans des pays non musulmans, taïb, lorsqu'ils voyagent là-bas, ils voient peut-être certaines mu'amalat, c'est-à-dire le relationnel entre les gens. Ils reviennent dans les pays ensuite musulmans, et qu'est-ce qu'ils disent? Cette phrase qui est connue, je suis sûr, de beaucoup de gens, ils disent, je vis dans le pays de l'islam, entre les musulmans, et en fait, ici donc, dire il y a des musulmans sans l'islam. Là-bas en Europe, c'est-à-dire ils disent sur l'Europe, les pays occidentaux, ils disent il y a l'islam sans les musulmans. Wallah al-Musta'an. Ça c'est une phrase qu'on entend beaucoup. L'islam sans les musulmans. Et ici les musulmans sans l'islam. C'est une phrase qu'on entend beaucoup. Wallah al-Musta'an. Comment ils ont compris leur religion ces gens-là? Où c'est qu'ils ont vu le tawhid? Al-aslu fid-din, aslu din, c'est-à-dire l'origine de notre religion. La base de notre religion c'est le tawhid. Où c'est qu'ils ont vu le tawhid? Dans les pays occidentaux. Où c'est qu'ils ont vu le tawhid? Simplement l'islam. C'est tout simplement le relationnel, et même par rapport au relationnel. Maintenant, lorsqu'on voit, nous, et vous le savez mieux que nous, ceux qui vivent dans les pays occidentaux, ils savent bien en fait que le relationnel est simplement basé sur des choses qui n'ont accès qu'à la vie d'ici-bas, rien d'autre. Et tout simplement pour accéder à d'autres biens de cette vie d'ici-bas, rien d'autre, Wallah al-Musta'an. Mais sinon, à part cela, le relationnel entre les gens est encore pire que dans beaucoup d'autres pays, qui sont bien sûr écartés de la religion. Donc la personne qui dit ça, elle a vu l'islam sans les musulmans, quel islam elle a vu? Wallah al-Musta'an. L'islam du tawhid, la hawla wa la quwwata illa billah. L'islam c'est le tawhid. L'islam c'est le tawhid. Et le tawhid c'est l'islam, l'unicité. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Ensuite il va nous citer le shir d'autres versets qui rentrent également dans cette compréhension. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Surat al-Anbiya, c'est le verset 25. Encore un autre verset. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons ou à qui nous n'ayons révélé point de divinité méritant l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سبحان الله. Et encore un autre verset que le shir nous cite. قوله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, avertissez qu'il n'est d'autre divinité méritant l'adoration que moi. Craignez-moi donc. Et des versets comme cela encore beaucoup. Ensuite, il va rapporter un autre verset, le shir, qui pourrait peut-être yushkil alayna, c'est-à-dire peut-être qui est une ambiguïté par rapport à notre compréhension, et c'est le verset suivant. يقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك. Nous avons fait une révélation. Ça c'est fait c'est fait surat An-Nisa, c'est le verset 163. Nous avons fait une révélation. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. Comme nous avons fait également une révélation à Noé. Et au prophète après lui. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il a fait descendre ou qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il a révélé à qui? À Noé, et au prophète après lui. C'est-à-dire ici, on va comprendre qu'il n'y a pas eu de prophète avant Noé, et que Noé était le premier prophète envoyé. Et c'est également la preuve que nous donne le shir dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. وقول أهل الموقف يوم القيامة لنوح يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. C'est-à-dire, oh, les gens vont dire le jour du jugement, oh Noé, tu es le premier des envoyés qui a été envoyé sur terre. le premier des prophètes qui est envoyé sur terre. Donc ça, c'est une preuve que c'est bien, bel et bien été le premier des envoyés. Et avant cela, donc, il n'y a pas eu d'autres envoyés. Et on sait, d'après un affar de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, que la période entre la descente de Adam jusqu'à Nour, il y a eu 10 siècles. Donc il y a eu bien sûr des umams, il y a eu en fait des communautés. Mais en fait, le cheikh va nous expliquer ici, il nous dit « لِأَنَّ يَرْسَلُ نُوحٍ وَمَنْ بَعْدَهُ حَسَلَا بَعْدَ وُجُودِ الشِّرْكِ وَالْخُرُوجِ عَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا كَانَ قَبْلَ نُوحٍ » C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse de l'envoi des prophètes, c'est lorsque il y a eu la présence du shirk. Donc, ils sont venus, les prophètes, pour réformer Mafsadannas. Donc, avant cela, jusqu'à que Noé advienne, il n'y avait pas eu de polythéisme parmi les communautés. Donc, il n'y a pas eu, en fait, par rapport à cela, d'envoi. C'est en fait la cause, et c'est comme ça qu'on comprend le verset. Et qu'on comprend ici, dans le premier verset, bien sûr, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin, c'est-à-dire que nous envoyons dans chaque communauté. Et bien sûr, les communautés avant Noé, il n'y a pas eu d'envoi de prophètes. Donc, ici, on comprend que c'est sous-entendu avant qu'il y ait eu l'avènement du shirk, l'avènement en fait du polythéisme. Lorsqu'il y a eu l'avènement du polythéisme, alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a envoyé ses prophètes pour bien sûr faire revenir les gens à la fitra, et qui est bien sûr la fitra, et en fait la nature humaine, la nature première humaine, la prédisposition naturelle. Taïb. Donc c'est comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'on comprend bien le verset. Ensuite, un autre verset que le shirk, il prend, une sourate Nahl, et c'est le verset 90. C'est le verset 90. Et un verset qu'on entend beaucoup, surtout durant les khutbas. يقول الشيخ قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. وإيتاء ذي القربى. Et ensuite, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Et il interdit la turpitude, la répréhensible, la rébellion. يعظكم لعلكم تذكرون. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. طيب. Le shirk va nous rapporter une parole d'Ibn Mas'ud qui est rappelée dans le tafsir de Al-Qurtubi. يقول Ibn Mas'ud هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب. Il dit Ibn Mas'ud que ce verset-là est le plus complet des versets du Coran dans le bien, c'est-à-dire dans le rappel du bien que l'on doit accomplir et dans le rappel du mal que l'on doit, d'où l'on doit s'écarter. Et c'est pour ça donc c'est un verset que l'on répète souvent. Les mots qui sont présents, le premier c'est Al-Adl. Inna Allah ya'muru bil-adl. Bi Al-Adl. Al-Adl. Yaqul al-shir wal-qist wal-insaf. Donc c'est Al-Adl que l'on traduit en fait par la justice, c'est Al-Qist. L'équité. Wal-insaf. L'égalité. Ça c'est معنى العدل. العدل القسط والإنصاف. وضده et le contraire de العدل c'est الجور. الجور والظلم, c'est-à-dire l'injustice. L'injustice. ويدخل فيه أداء ما فرض الله على عباده, c'est-à-dire qu'il rentre dans ce terme-là, العدل, tout ce qu'Allah عز وجل a quoi a obligé à ses créatures de faire. Ça rentre dans le terme العدل, la justice. العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان يقول الشيخ يتعدى بنفسه. C'est-à-dire que c'est un terme qui est transitif par lui-même dans un premier temps. يتعدى بنفسه. فيقال أحسن فلان عمله. C'est-à-dire que يعني بمعنى أتقنه. C'est-à-dire que la personne accomplit son travail avec perfection. Donc on voit ici, lorsqu'il dit bien sûr transitif par lui-même, il n'y a pas en fait une particule qui est d'ordre transitif, c'est-à-dire qu'il est transitif de par lui-même. Ahsana fulanun amalahu, c'est-à-dire qu'on n'a pas ila ou ala ou etc. Ahsana fulanun amalahu, ay atqanahu, tayyib. Wa yata'adda bil harf, c'est-à-dire qu'il est transitif de par, en fait, de par une lettre, une particule. Wa yata'adda bil harf. Ici, l'exemple qui va être donné par ila, le terme ila. Ahsana ila ghayrihi. On dit ahsana ila ghayrihi. C'est-à-dire, je fais bienfaisance envers autrui. Je fais bienfaisance envers autrui. Yani ila ghayrihi. Donc, il a été transitif également ici, ce terme. Donc, c'est pour bien nous expliquer les deux termes qui sont employés. Al-adl wa l'ihsan. Et lorsqu'on dit ahsana ila ghayrihi, bimarna awsala ilayhi birrahu wa ma'rufahu. C'est-à-dire qu'il lui a transmis à cette personne sa bienfaisance à lui, birrahu, c'est-à-dire sa piété, sa bienfaisance, etc. Wa ma'rufahu, yani tout ce qui est bon, tout ce qui est convenable. Wa kullu min al-ma'nayayn ma'murun bihi fil aya. C'est-à-dire que les deux sens, al-'adl wa l'ihsan, ici Allah Azza wa Jalla, il nous oblige de les faire. Inna Allah ya'mur, ya'mur, il nous oblige, il nous commande l'équité et la bienfaisance. Al-'adl wa l'ihsan. Wa ita'i dhil qurba, wa ita'i dhil qurba. Tayyib. Wa min jumlatil ihsan. Il nous dit en fait le shirk que c'est min jumlatil ihsan, c'est-à-dire que ça rentre également dans l'ihsan. Ufrida bil dhikr li kawni al-quraba awla an-nas bi birr al-insan wa ihsan. Pourquoi en fait Allah Azza wa Jalla il a cité tout de suite après avoir cité l'ihsan, il a cité en fait ce qui fait partie de l'ihsan et qui est comme on dit ici ita'i dhil qurba et qui est donc comme on l'a traduit, comme il est traduit, l'assistance aux proches. Il nous dit tout simplement parce que la personne qui est proche de toi, et ça c'est une règle au niveau de l'islam, que l'on trouve dans le Coran et que l'on trouve également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la personne qui est le plus proche de toi par rapport au lien de parenté, c'est la personne awla an-nas bi birr al-insan, c'est-à-dire c'est la personne qui mérite le plus que tu lui fasses bienfaisance, que tu fasses acte de bienfaisance envers lui. Plus que autre que les autres qui sont étrangers à toi. Si tu as affaire à bienfaisance, la première chose que tu dois faire, ou la première personne qui doit être concernée par ton acte de bienfaisance, c'est qui? C'est la personne qui est proche de toi. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve, qu'on a déjà répété, que l'on trouve dans le Coran et que l'on trouve dans la Sunna. Si tu as affaire à une sadaqa et tu connais des gens qui sont l'ajoun, c'est-à-dire des gens qui sont dans le besoin, alors tu dois regarder d'abord à ce que ces gens-là, les gens qui sont dans le besoin, quelle est la personne qui est la plus proche de toi, et tu donnes à celle qui est la plus proche. C'est comme ça dans l'islam. C'est ce qu'il faut respecter. Et c'est pour ça ici qu'Allah Azza wa Jal, il a cité cette partie qui fait partie de l'ihsan après avoir cité l'ihsan de manière globale. Donc ici il a cité ce qui est spécifique après avoir cité ce qui est global. Ensuite il dit le shirk. Donc ici il a l'amr. Par contre, il dit le shir wa qad jaa fil Qur'an ayatun kathiratun fiha al-amru bil 'adli wan-nadab ila al-ihsan. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des versets du Coran qui nous ordonnent de pratiquer l'équité, la justice, et qui nous conseillent, c'est-à-dire à titre recommandé, de faire ce qui est la bienfaisance. Il va nous donner plusieurs versets. Et bien sûr, dans l'islam, c'est quelque chose qui est connu. Il y a ce qui fait partie de la justice, et donc on a vu, comme nous expliquait le shirk, ce qui rentre dans le terme la justice, yatrul fi adaou ma faraballahu ala ibadi. Il rentre dedans ce qu'Allah azawajal, dans ce terme-là, ce qu'Allah azawajal faraba, c'est-à-dire qu'il a rendu obligatoire à ses créatures. Et ensuite, il a rendu des choses qui étaient en fait en plus, qui étaient d'un autre degré, qui étaient en fait de l'ordre du conseiller, on va dire de ce qui est demandé. Al-mandoub, ce qu'on appelle en fait dans l'islam, al-mandoub. Il va nous citer beaucoup de versets. Et ça, en fait, dans l'islam, c'est connu. C'est-à-dire, même pour chaque obligation, il y a toujours, en fait, ce que l'on fait en plus. Pour la prière, il y a 5 prières obligatoires. Il y a ensuite, al-nawafil. Pour la zakat, pareil. La zakat obligatoire. Et ensuite, il y a sadaqa. Et ça, dans tout ce qui revient aux actes. Le premier exemple qui nous donne le shir. يقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في سورة النحل 126. Et si vous punissez, infligez, c'est-à-dire bien sûr celui qui vous a agressé, une punition égale au tort qu'il vous a fait. هذا هو العدل. Quelqu'un t'a fait du tort, tu lui en fait fais le même tort qu'il t'a fait. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Bien sûr, ceci avec des règles au niveau de l'islam. وهذا وعد. Ensuite vient l'ihsan. Dans la suite du verset vient l'ihsan. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذا هو إحسان كما يقول الشيخ. Et si vous endurez, c'est-à-dire si vous patientez par rapport à ce qui vous a été infligé, cela est certes meilleur pour les endurants. هذا هو الإحسان. C'est-à-dire de ne pas rendre ce qui t'a été fait comme tort. هذا من الإحسان. Après l'عدل ici الإحسان. Pareil dans le verset suivant. يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا وعدل. هذا وعدل. À celui qui est dans la gêne, accorder un sursis jusqu'à qu'il soit dans l'aisance. C'est-à-dire celui, une personne qui a une dette envers toi, alors laisse-lui du temps. Et si lui, bien sûr, il est dans la gêne, il ne peut pas encore payer, laisse-lui du temps. Jusqu'à qu'il soit en fait dans l'aisance, dans une situation qui soit confortable, et qu'il puisse ensuite te payer. Taïeb, ça c'est l'adl. Ça c'est l'adl. Ça fait partie de la justice. Tu demandes à cette personne qu'il te rende ton argent, mais qu'il te rende au moment où il aura la possibilité. Ensuite vient l'ihsan. Al-ihsan. Ensuite, yaqulu Allah azza wa jal, wa an tasaddaqu khayrun lakum. Wa an tasaddaqu khayrun lakum. C'est-à-dire, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. C'est-à-dire, bien entendu, ici, le terme wa an tasaddaqu, c'est-à-dire de faire aumône. L'aumône, comment elle se traduit ici, c'est-à-dire de laisser tomber cette dette-là. C'est-à-dire d'en faire cadeau à celui qui est endetté. Khayrul lakum, wada wa yahsan. Dans le paradis, il y a des degrés. Dans le paradis, il y a des degrés. Wal muhsin, al muhsin, celui qui fait l'ihsan. Wa qala Allah azza wa jal, wal juruha qisas. Hada wa adl. Wal juruha qisas. C'est-à-dire, les blessures sont sous la loi du talion. C'est-à-dire, si une personne fait une blessure, alors même blessure sera faite à cette personne. Ça fait partie de l'adl. C'est-à-dire que al-juruh, les blessures rentrent sous la loi du talion. Sont sous la loi du talion. Wal-juruha qisas. Ça, c'est quoi? C'est l'adl. Taïb. Thumma qala. Et ensuite, il dit Allah Azza wa Jal. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِي فَوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَهَذَا الْإِحْسَانِ. Après, quiconque qui renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. C'est-à-dire, si tu pardonnes par rapport à cette blessure-là, hein, c'est-à-dire que tu ne demandes pas qu'on, bien sûr, au qabi, au juge, tu ne demandes pas en fait qu'on applique la loi du talion à cette personne-là, tu en fait, ici le terme فَمَنْ تَصَدَّقَ, c'est-à-dire, tu donnes comme une sadaqa, tu fais ici le terme employé par Allah Azza wa Jal, تَصَدَّقَ بِي. C'est-à-dire tu laisses tomber et ta'fou, c'est-à-dire tu pardonnes à cette personne. Fawa kaffaratun lahu. C'est-à-dire cela lui vaudra une expiation. Donc ça fait partie également de l'ihsan. Il y a eu dans un premier temps l'adl et ensuite l'ihsan. Un autre également verset. Yaqul Allah Azza wa Jal. Wa la man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alayhim min sabil. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là n'ont pas de voix contre eux, c'est-à-dire par de recours légal contre eux. Il n'y a pas de voix contre eux. وَلَا مَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Donc ceux qui ripostent après avoir été lésés. Donc ici, عَدْل. Ici, عَدْل. Il vient ensuite dans le verset après, d'après, c'est-à-dire c'est le verset ici 41, puis surat al-Shura. Il vient ensuite dans le verset 43. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. هذا إحسان. هذا إحسان. Et un dernier exemple que nous donne le shir, يقول الله عز وجل وَجَزَاءُ سَيَّةٍ سَيَّةٌ مِثْلُهَا. Dans le même surat, c'est le verset 40. Il y a la sanction d'une mauvaise action et une mauvaise action, une peine identique. Ça c'est l'adl, ça c'est la justice, l'équité. Ensuite, يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله فأجره على الله وهذا إحسان. Mais quiconque pardonne les réformes, son salaire incombe à Allah. Donc on voit dans le Coran ici qu'il y a l'adl, et c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est obligatoire, c'est-à-dire de faire l'adl entre les gens. Et ce qui est meilleur que cela, et qui a encore une plus grande récompense, et qui va engendrer un plus grand degré dans le paradis, al-ihsan, al-ihsan. Ensuite, dans le verset, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Ensuite, Allah Azzawajal vous interdit quoi? Il vous interdit al-fahsha. Le chien nous donne le terme al-fawahish, qui est bien sûr le pluriel de al-fahisha. Al-fawahish. Ici, on a le terme al-fahsha. Taïb, al-fawahish. Qu'est-ce que al-fawahish? Un terme qui revient et qu'on entend souvent. Il dit ma fahusha wa avuma min az-zunub. C'est-à-dire ce qui est grand parmi les grands péchés. Ce qui est grand comme péché et ce qui est détestable, fahusha, ce qui est détestable et abominable. Donc ça vient du terme fahusha et qui veut dire au niveau de la langue détestable, abominable. Ça c'est le fawahish. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Et les exemples qu'il nous donne par rapport à le fawahish, يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Donc un terme qui est souvent traduit par الْفَحْشَاء c'est الزِّنَا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de l'adultère. C'est-à-dire ici, لا تقربوا أصلاً. Ne vous approchez pas de ce qui vous, de ce qui va en fait vous amener à quoi? À l'adultère. وَلَا تقربوا الزِّنَا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Donc le terme ici au masculin. فَاحِشَة. Arfan au singulier. فَاحِشَة. Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et ensuite, l'autre, ça c'est fi surat al-Isra, et le verset 32. Et l'autre verset qui nous cite le shir, وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Donc ici le terme, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. C'est-à-dire فَاحِشَة. Et c'est fi surat al-Nisa. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Exception faite pour le passé, pour ce qui est déjà passé. Inna ukana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Donc ici le terme employé fahisha. Et donc le pluriel fawahish. Ça c'est le fahisha. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Al munkar yaqul ash-shaykh wa ma yuqabil al ma'ruf. Ma yuqabil al ma'ruf, c'est-à-dire ce qui est opposé ce qu'on appelle le ma'ruf. C'est pour ça qu'on dit al-amr bil ma'ruf. C'est-à-dire le bien, le ma'ruf, le bien, et le munkar, le mal. Et c'est pour ça que le dit le shir, lorsqu'on entend ce terme, c'est vrai que c'est des termes qui sont importants de comprendre et de savoir exactement au niveau de la religion. Lorsqu'on dit le munkar, c'est une précision, c'est une définition précise au niveau du din. Wa kullu muharramin harramahullahu wa naha'an. C'est-à-dire tout ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal, ça rentre dans ce qu'on appelle le munkar. Tout ce qui est interdit par la religion, c'est ce qu'on appelle le munkar. Taïb. Et ensuite, le dernier terme qu'Allah Azza wa Jal a employé, wal bari. C'est-à-dire l'injustice, le préjudice, c'est en fait la transgression. C'est la transgression. Taïeb. Yaqul shi'a wa wa min jumlatin munkarat. Ça fait partie, en fait, de ce qui rentre dans le munkarat. C'est-à-dire des choses qui sont interdites. La kina ufrida. Donc on voit également ici, comme il y a eu, en fait, il a été cité ici de manière spécifique, comme ça a été le cas avec l'Ihsan wa Ita Idil Qurba. Également ici, il a été spécifié, alors qu'il fait partie également de Al-Munkar. Pourquoi il nous dit le shir? La kinna ufrida li khuturatihi wa shiddati dararihi. C'est-à-dire qu'il a été donc cité, exposé de manière spécifique dans ce verset, après avoir été exposé de manière générale dans le terme, par la citation du terme Al-Munkar. Pourquoi? De par son grand danger. Al-Bari, c'est-à-dire la transgression, l'injustice et le préjudice, c'est un très très grand danger. C'est un très très grand danger. Washiddati barali, c'est-à-dire son préjudice est très très grand. Son préjudice est très très grand. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla ici, il cite ce terme de manière spécifique, après avoir cité le munkar. Allah al-Musta'an. Ensuite, il reste où il passe le shir à Surat al-Isra. Ça fait presque une heure de cours. On va s'arrêter ici avec un des grands versets du Coran également. Et Inch'Allah, on l'étudiera. On l'étudiera بإذن الله تعالى, c'est-à-dire jeudi. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.